au Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrasse tous nos cœurs. Nous devenions par toi cette victime sur la montagne. Un peuple de vainqueurs jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, au Christ ressuscité. 195. Combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je suis libre pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je m'aime, glorifié par Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, bientôt à Dieu, chose modèle, rendez-vous, je rendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose Cantique numéro 182. Il m'a libéré pour gloire.

frères et sœurs. Amen. Voilà. Nous voulons que vous nous donniez encore les cantiques. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Voilà. Sentez-vous joyeux. Amen. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Voilà. Nous attendons les cantiques. Le frère Benjeni, 367. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. 367. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Tu peux en donner, mon frère. Dieu Tout-Puissant, amour très grand, dans l'univers qui n'est pas grand pouvoir. Tout l'univers qui n'est pas ton pouvoir, le ciel d'Adieu, les éclairs de tonnerre, le cœur matin ou les ombres du soir, de tout mon cœur, alors je l'aime chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon cœur. Tout-Puissant, que tu es grand, salue

125. Cantique numéro 125. J'ai longtemps erré sans lire. J'ai longtemps erré sans lire. Libérez-les. félicité à toi, Seigneur, la gloire et pour l'éternité. Ta main, s'égare et que de suresse, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi serait la gloire, et pour l'éternité, ma remise la voile et m'a pardonné quel bon jour. Et je chante ta bénédiction, prince de la victoire, Jésus ressuscité. Mon seul désir du Tout-Puissant, où mon âme ravie, c'était soit dès maintenant, toujours à Christ uni, prince, prince de la victoire, Jésus. Ressuscité, à toi serait la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi serait la gloire. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta foi sanglante au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins avec toi, semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Qui mourrait pour nous, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ

mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé par son amour. Il gardait par sa main me fille. J'attends l'heure de son retour. Jésus sait quelle est la mesure de joie et de douleur. Et pour ma faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Il a j'attends l'heure de son retour. Je ne sais pas de la victoire, l'heure enfin sonnera. Car l'agneau l'époux dans sa grâce, la veille me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et la dépense à me maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Il a défendu sa meurtrie. J'attends l'heure de son retour. 257. C'est ce qu'on a dit, 257. Non, hein? On a vu 250. Non, mais Jésus est ici. Le numéro 8. Là-bas. C'est ça qui est là. Le nom de Jésus est ici. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des armes de courroux. Il nous appelle au rendez-vous précis. Le nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Chaque rive soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin précis. Le nom de Jésus, Seigneur Jésus, béni soit ton nom. J'aime ce nom d'amour, sauveur est à lui seul, connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur précis. Le nom de Jésus, Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Suprême rançon, sois adoré.

Hazari pe sangwe ya robi.